Aujourd'hui je suis là à écrire des textes. C'est que j'ai toujours pas réussi à me trouver un prétexte. Peut-être parce que le plus grand de mes complexes me rend malade, voire même perplexe. Mais si à l'heure qu'il est, j'ai envie de faire une pause, sache que pour moi une remise en cause sans cause, car un manque de confiance en moi m'indispose. Je manque de réponse aux questions que je te pose. Et si en violence ma souffrance explose, mec, arrête tes conneries pour que tes problèmes implosent. Mais si beaucoup de personnes s'y opposent, sors de ta bulle, de ton univers morose. Parce que beaucoup de gens te voient différent, parce que beaucoup de gens te paraissent impertinent, parce que certains m'ont menté, un sauveur incompétent, parce que de temps en temps le monde devient incohérent. Entends-tu ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Mon vocabulaire te percute comme un éclair. Je n'ai pas besoin d'air ni de lumière pour t'expliquer ce que je vis. Mes grosses galères, il est impossible qu'un jour attaqué par derrière, je me retrouve corps rigide, allongé par terre. Mais t'inquiète pas, de là-haut, j'assurerai tes arrières. Pas de parole dans le vent, je te parle cœur ouvert. Caché derrière un masque, je marche en solitaire et bientôt mon visage sera mis à découvert. Attention, me voilà, j'entre dans une nouvelle ère. Mon sortie pour moi est devenu mon but primaire. Parce que beaucoup de gens te voient différent, parce que beaucoup de gens te paraissent impertinent, parce que certains m'ont menté, insolent, incompétent, parce que de temps en temps le monde devient incohérent. T'as obtenu une mort avec mention, mention bidon, ta mort en pleine mission. Je te dirais pas que je me cache pas de mes émotions, mais ma vision de la vie n'est qu'une hallucination. Mon corps en débordant de milliers de frissons, je ressens dans mon cœur comme une expression qui surgit à n'importe quelle heure et sans explication. Ces traits de mon visage ne dégagent aucune expression. La carapace qui m'enveloppe n'est qu'une décoration, une représentation de mes faits et de mes questions. La carapace qui m'enveloppe n'est qu'une décoration, une représentation de mes faits et de mes questions. Parce que beaucoup de gens te voient différent, parce que beaucoup de gens te paraissent impertinent, parce que certains m'ont menté, insolent, incompétent, parce que de temps en temps le monde devient incohérent. Et pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Parce que fuir est peut-être le seul moyen. Tout lâcher, ne pas monter dans le train de la vie pour ne pas être contraint aux ennuis que subissent certains. Je te le dis franchement, je ne suis pas un saint, mais vivre la routine comme un chien. Laissez-moi vivre, laissez-moi rêver, je ne peux surtout pas être un condamné à vivre une vie à perpétuité. Le bonheur m'a déjà désenchanté, l'absolu parfait ne peut exister. Laissez-moi vivre, laissez-moi créer le fruit de mon imagination et de mes pensées. Parce que beaucoup de gens te voient différent, parce que beaucoup de gens te paraissent impertinent, parce que certains m'ont menté, insolent, incompétent, parce que de temps en temps le monde devient incohérent.